chaque un. Gère. J'ai branché mon frigo sur le générateur du voisin. Mon steak est moisi, mais y'a du goût. On active le mode passe de chill. Connais. Grill en métal, pas d'hygiène, mais t'as jamais mangé des côtelettes aussi pleines. Viewer en slip qui danse autour du feu. Un ours passe derrière, mais il est peureux. J'ai farmé 10 minutes, je me sens méritant. Alors on ouvre une bière avec les dents. Rue c'est dur, mais ce soir c'est détente. Même la tourelle se fait une pause élégante. Barbecue dans l'abri, steak sur la grille. Viewer qui chante, des riders skills qui brillent. Chaleur du feu, armure en short. On se fait cramer les poils, mais on est des forts. Barbecue dans l'abri, sous les étoiles. Y'a même des bandits qui laissent leur toile. Ruste ou pas, ce soir c'est chill. C'est la soirée des fous chez Riders Skill. T'as jamais vu un barbecue comme ça. Plan de raid sur nappe en soie. Kebab de loup, sauce au napalm. Un viewer hurle, je me fais un sandwich au slam. Ambiance feu de camp, full cuir et bastos. La batterie du frigo pète, mais c'est pas trop. Ma basse vibre au son des saucisses. Trop de bruit, le voisin rage quitte en lice. Barbecue dans l'abri, steak sur la grille. Viewer qui crie et Riders Skill qui file. Entre deux coups de marteau et une brochette, on refait le monde et on chante des recettes. Barbecue dans l'abri, fumée dans les yeux. On est des clowns, mais dangereux. Brutal, mais on le transforme en fait grillé sous forme hors norme. À trois, on tourne les merguez. Un, deux, trois. Tourelle qui tire en l'air, Viewer qui beatbox dans le micro. Barbecue dans l'abri, Rider ce qu'il en veut. Les saucisses volent, les viewers sont heureux. Lance patate qui grille les brochettes. Creuse devient festin sans prise de tête. Barbecue dans l'abri, chaleur collective. Même les pièges nous donnent des vibes. C'est pas un serveur, c'est un resto. Fait par les fous, les durs, les vrais héros. Bon, on va louer les restes ou on fait un dessert, on lance flamme.